Invention originale. Derrière l'artiste, il y a le philosophe, et ce philosophe s'est donné, mine de rien, le temps de faire le tour des choses et de ses semblables. Le marteau. Alors comment il faut lui apprendre à l'homme à chercher? Mais justement, il n'y a pas à apprendre, c'est à lui qui a d'apprendre à se trouver. Si vous faites que de répéter ce que les autres disent, vous allez rire. Hein? Expliquez-moi. Oui, là, avec vous, maintenant. C'est moi, lui, la petite qui est tout, il manque de monnaie, puis, parce que vous, ils vont se meubler, ils vont se dire. La droite dire, ben, tiens, ben, Thierry, il m'a ouvert les yeux sur moi. Et c'est là où j'espère qu'il va se trouver. C'est là la première étape qui est ouverte, c'est de se trouver. Se trouver, voilà l'objectif de Cyril Constantin. Son univers artistique imaginaire l'a conduit à explorer tous les trésors de la technique et de la beauté. Qu'est-ce qu'on leur dit aux jeunes quand ils viennent vous voir? Mais d'avoir confiance en eux. Et de se chercher. Et s'ils trouvent rien? Ah ben, permettez. C'est qu'ils ne sont pas trouvés, ils ne se sont pas cherchés. Parce que vous avez tout en vous. Ou alors si, c'est que vous n'êtes pas. Et quand on cherche à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on trouve? Mais ils oublient. Essayez de faire plaisir. Et c'est là le côté extraordinaire, c'est le côté recherche pour vous qui n'a pas de fin. Et chaque jour, l'instant présent est toujours extraordinaire, la fin. Je me marre. Vous vous ennuyez jamais? Vous n'êtes pas bon de pas faire ennuyer. Le temps n'existe pas, il y a l'instant présent. Alors donc, si je m'ennuie, je prendrais le faire pour moi. C'est pas possible d'être malheureux quand on vit avec cette perspective. Mais c'est bien parce que j'ai justement subi, j'ai fait toutes les conneries que j'ai appréciées. Moi je sais que je suis dingue, mais je pense à ceux qui le sont, qui le sont pas. Alors là, il n'y a pas de problème. Quand vous regardez les actualités comme ça, quand vous écoutez la radio, qu'est-ce que vous pensez de tout ce monde qui bouge? Je suis quand même à un stade. Quand je pense que les hommes ont tout pour vivre heureux et qu'ils n'y ont rien compris. La terre de tout est de derrière pays. Vous essayez d'imaginer le côté fantastique qui pourrait être donné à la création de cette terre et tout le monde pourrait avoir la joie d'avoir.